Alors, vous êtes toujours sur En profondeur, sur le 90.3 FM à Montréal, sécurité.ca, sur l'Internet, partout dans le monde. Alors, nous allons tout de suite passer à la chronique sur les médias indépendants avec Simon Van Vliet et Olivier Asselin. Alors, bonjour vous deux. Salut. Allô. Écoute, moi, je voulais reprendre un peu le fil là où est-ce que s'était rompu l'année dernière, là, à la fin de la dernière chronique. Je parlais de précarité des journalistes, hein, des conditions de travail des journalistes qui se dégradent. Puis, bon, ça, c'est un enjeu. Mais en fait, ce que ça soulève, c'est l'enjeu de la précarité des médias qui emploient les journalistes. Et puis, plus largement, les médias sont un peu en mode survie en ce moment. Puis bon, là, je regardais, hier, j'ai reçu, je me suis abonné récemment au New Internationalist, un journal qui est édité par une coopérative de travailleurs au Royaume-Uni depuis 40 ans. Puis là, ils annoncent dans leur édition, dans leur dernière édition, que les revenus d'abonnement sont plus suffisants pour leur permettre d'éditer la revue, de maintenir à jour le site Internet, etc. Puis ça m'a fait réfléchir. Après, j'ai pensé, bon, il y a le réseau de la Média Coop qui est dans une situation financière un peu précaire. On parlait du journal Ensemble la dernière fois. Le journal Ensemble a un peu de difficulté à sortir de sa phase de démarrage, reste essentiellement dépendant des revenus publicitaires pour l'instant pour être capable de fonctionner, de payer les journalistes. Donc, ça pose toute une question, ça, sur la réalité économique des médias, puis les modèles de revenus, les modèles de financement. Puis bon, en réfléchissant à tout ça, je me disais, dans le fond, on est là un peu au nœud de l'indépendance des médias, parce que dans le fond, la dernière fois, on parlait médias alternatifs, là, on parle médias indépendants, on se demandait. Moi, je me suis posé la question, puis je me dis, j'ai envie de sortir un peu de l'étiquette alternatif, tu sais, dans le fond. On veut pas nécessairement être alternatif, on veut être indépendant. En tout cas, moi, c'est ça que je me dis de plus en plus. Puis ça, donc toute cette réflexion-là, dans le fond, c'est l'indépendance. À la base, c'est une question de capacité à avoir les ressources, dans le fond, pour produire de l'information, pour la diffuser, pour rejoindre des publics. Puis ça, ben, c'est ce qui est menacé, en fait, en ce moment, dans la société d'hypermédiatisation dans laquelle on vit en ce moment. Les médias ont plus les moyens de produire de l'information, ils ont juste les moyens de vendre de la publicité. Puis ça, dans le fond, c'est un peu le nœud, l'enjeu fondamental de l'indépendance des médias. Puis ça nous ramène un peu à la forme, aux structures économiques de la presse qui sont ancrées dans les mutations économiques de la société, la société post-industrielle dans laquelle on vit, qui, elle, vient de quelque part. Puis Ali, quand on parlait là, hors d'onde, tu me disais, tu avais un peu envie d'aller vers ça, de parler de d'où ça vient, en fait, l'économie des médias dans laquelle on est un peu pris en ce moment. Oui, ben en fait... Un peu pour continuer à ce que tu disais, je trouve aussi que, tu sais, on dit souvent le nerf de la guerre, c'est le financement, ou en tout cas dans les médias autonomes, indépendants, c'est souvent ça qui menace l'existence même de l'organisation ou du collectif. Aujourd'hui, quand on parle médias de masse, on peut pas, souvent on n'y pense pas, mais médias de masse à la base aujourd'hui, c'est de la publicité. On se rend compte que l'existence de tous les médias aujourd'hui survit grâce à la publicité. Donc, c'est comme si on a accepté, on a intégré le fait que, bon, d'accord, je veux dire, chacun pour soi, on crève ou bien on laisse la place au marché pour être capable de diffuser une information. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce d'acceptation sociale de cet état de fait-là, puis pas seulement dans les médias, on voit dans le métro, quand on prend le métro, tous nos services publics, c'est la même dynamique. La publicité est rendue au cœur de notre société. Les plus grands cinéastes québécois sont des gens aujourd'hui qui doivent faire de la publicité pour survivre, puis on parle pas de tout le reste des artistes qui aussi sont dans le domaine publicitaire pour survivre. À ce moment-là, je pense que quand on parle de médias autonomes ou indépendants ou whatever, alternatifs, je pense qu'il faut se dire pourquoi on trouve ça important, le côté autonome, alternatif des médias. Puis dans ce sens-là, faut peut-être revenir à la question du média de masse. Du média de masse qui vient en fait de la société de masse, qui vient de l'urbanisation pendant l'industrialisation. Et... qui vient en fait selon Stuart Ewan, un sociologue des années 80, super intéressant, qui a parlé des communications puis qui a écrit un texte qui s'appelle « Conscience sous influence ». Et il décrit très bien comment, au temps de l'industrialisation, les gens arrivant dans les usines, dans les zones urbaines, avaient rien à faire là, voulaient pas rester là. C'était tellement aliénant comme type de travail par rapport au travail agraire que les gens, ou traditionnel, qu'ils faisaient avant. Et c'était tellement dénué de sens au quotidien comme travail que il y avait pas moyen de les garder là. Fait qu'évidemment, il y a eu le bâton, puis il y a eu le syndicalisme, il est là, l'anarchisme, l'anarcho-communisme, etc. Mais ils n'ont jamais réussi à vraiment mater le monde pour les garder dans les usines, tellement c'était inhumain comme type de travail. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire à un moment donné? C'est qu'ils se sont dit, ben, en fait, on a un problème, les gens ne veulent pas aller travailler dans nos usines, mais en même temps, on fait tellement de bébelles qu'on a besoin de les écouler, tu sais, on a besoin d'écouler le stock. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va transformer les travailleurs en consommateurs. D'où l'arrivée, l'essor de la publicité, du public relation, puis de toute l'idée de propagande consumériste dans le média de masse. Et là, bon, la Première Guerre mondiale est arrivée, la propagande a pris son envol vraiment à ce moment-là dans les communications. Et entre les deux guerres, c'est là où est-ce que la propagande consumériste aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde, a été vraiment florissante. Tellement qu'il y a des associations de professeurs de monde en éducation, beaucoup, qui, à ce moment-là, se levaient contre la publicité en disant « ça n'a aucun sens, on ne peut pas laisser les gens utiliser l'émotion, l'affect comme ça » pour aller chercher, pour orienter l'opinion des gens. C'est complètement immoral. Et à ce moment-là, la question, c'était pas combien de publicité ou comment la publicité va être intégrée dans notre société. À ce moment-là, c'était est-ce que on accepte une publicité super contrôlée, puis super scrutée, puis surveillée, ou bien on ne veut pas du tout de publicité dans notre société. Fait qu'au début du 20e siècle, là, la publicité, c'était pas en tout accepté comme aujourd'hui. Là. Fait que, en tout cas. c'est intéressant que tu dis, je t'écoute, puis ça résonne avec un passage là, du combat pour une presse libre d'Edoui Plenel, fondateur de Mediapart, qui parle de... Puis je dis ça résonne parce que tu parles de la publicité, qui est la dimension économique, commerciale de l'usage des médias, puis de la propagande, qui est l'utilisation politique des médias. Puis... ça résonne parce que lui, il parle de la crise économique et politique que les médias vivent en France, puis il dit ceci, je trouve ça fort intéressant, « Économie et politique vont ici de pair parce qu'une presse fragile est une presse faible. Et une presse faible est très souvent une presse, sinon corrompue, du moins corruptible sur le terrain même où se joue son utilité, sa valeur d'usage et sa légitimité démocratique, l'information, sa qualité, sa pertinence et son indépendance. » C'est ça, en fait, que l'instrumentalisation commerciale des médias par la publicité fait, puis son instrumentalisation politique à travers de la publicité, puis c'est là que c'est devenu vraiment pernicieux au 21e siècle, c'est que c'est finalement les liens économiques des entreprises de presse avec leurs annonceurs, mais aussi avec les propriétaires qui ont des intérêts économiques qui sont liés à une certaine vision politique, qui finissent par faire une espèce de propagande normale, tu sais, comme la couverture journalistique qu'on dit objective de l'actualité. Ça se trouve être une forme de propagande en soutien à l'ordre établi capitaliste néolibéral qui s'appuie à la fois sur la publicité pour continuer à aliéner les gens, à les faire consommer en masse, mais aussi à les faire acheter en masse le modèle qu'on leur présente comme étant le modèle normal et acceptable qui est la démocratie parlementaire avec tous les vices qu'on lui connaît. Et puis les médias ont beau révéler que ces institutions-là fonctionnent pas, les gens continuent quand même à y adhérer un peu de gré ou de force. Puis c'est peut-être que là, je nous ramène dans le présent à partir de l'analyse historique que toi, tu fais. Mmh. Mais au fond, c'est ça, la transformation des médias de masse en moyen de propagande de masse, à la fois commerciale et politique, qui s'est opérée au début du 20e siècle. C'est ça qui nous a amenés ici. Je sais pas si on revient là, dans le... Là où tu t'en allais avec ça, je sais pas si tu peux tu peux reprendre le fil à partir de là où je t'ai amené là, mais écoute, oui, je pense que Bon, il y a eu, il y a certaines écoles de pensée aussi dans le 20e siècle là, qui sont des écoles fortes, puis des théories qu'il faut quand même présenter dans ce sens-là, parce que c'est pas tout noir et blanc ou blanc, évidemment. Faut dire que à partir de cette propagande-là qui est venue du temps de guerre très souvent, mais qui a été récupérée puis réutilisée dans le temps de paix puis de commercialisation de la vie, il y a l'école de pensée critique, des théories critiques après la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas avec les penseurs beaucoup qui ont émigré d'Europe aux États-Unis. Les théoriciens critiques, eux, sont venus dire justement la propriété des médias a une influence sur le message puis ultimement sur ce que les gens vont penser après du message. Fait que ça, c'est vraiment, c'est quelque chose que ça fait longtemps qu'il est mis de l'avant, qui est dénoncé. Il y a tout le courant des théoriciens fonctionnalistes qui, eux, dans la plus pure tradition de l'idéologie, si on veut, fonctionnaliste, justement, dans la sociologie et dans l'idéologie américaine, est venu dire, ben non, tout le monde est libre, finalement. Ça revient toujours à ça pour eux autres. Le fonctionnalisme, pour eux autres, c'est comme, ben non, tu peux fermer ta TV, donc le média n'a aucune influence sur toi. Mais bon, entre les deux, il y a eu beaucoup de différents théoriciens. Mais en gros, c'est les deux grandes écoles de pensée. Évidemment, je pense qu'aujourd'hui, avec les milliards de dollars qui sont mis en publicité puis en marketing par les plus grandes corporations, puis avec la société de médiatique aussi intense puis aussi omniprésente qu'on a aujourd'hui, on peut plus prétendre que finalement les gens sont juste libres puis que c'est juste une question de choix ultimement, je pense. Mm. Puis peut-être juste pour continuer là, avec Edoui Plenel, là, on fait du back and forth, ouais, c'est intéressant de penser, tu sais, dans le fond, ce qui rend possible la gratuité de l'information qui est omniprésente, là, puis les gens s'arrêtent pas, tu sais, ils lisent le métro, ils lisent le 24 heures, ils lisent plein de choses gratuites sur le web. Ils se rendent pas compte nécessairement que l'argent qui permet de financer ça, ben c'est la publicité. S'ils payent pas pour le média, c'est parce que la publicité paye pour. Puis Edoui Plenel, là, dans son manifeste pour une presse libre, il dit que le modèle de gratuité à tout craint, là, c'est peut-être pernicieux. Puis moi, je me suis souvent posé la question parce que je trouve que de mettre un prix à l'information, ça revient à la commercialiser, mais de pas en mettre un, ça revient aussi à ça. Puis voici ce qu'il dit au sujet de la valeur de l'information. Il en va de la liberté de l'information comme de sa valeur. Promouvoir un modèle mixte associant la gratuité démocratique de l'échange et l'abonnement payant de l'engagement, c'est signifier qu'il faut payer pour les garantir. La liberté d'un journal, c'est la fidélité de ses lecteurs et la valeur de ses informations, c'est la qualité de ses journalistes. Par le détour de l'acte d'achat, la première oblige à la seconde, à condition évidemment que ce soit au juste prix et que le public ait son mot à dire. Ouais. Je suis d'accord jusqu'à un certain point, mais je pense qu'il ne faut pas rejeter. Je pense que la valeur peut être présentée autrement, puis surtout, la société en tant que telle peut payer pour les artistes ou peut payer pour, tu sais, l'État finalement peut payer. C'est-à-dire que l'utilisateur payeur, pour moi, est pas une solution. Puis les premiers les hackers qui ont inventé l'Internet, d'ailleurs, sont là pour, l'ont dit dès le début, la gratuité, c'était ça leur moto au début, c'était ça qu'ils voulaient faire, puis c'était ça qui était leur rêve de l'Internet au début, là. Et on continuera là-dessus la prochaine fois. Ben oui, puis nous, ben on vous offre ça gratuitement, hein, chaque mois, cette chronique-là, et ça fait partie comme l'émission vous êtes offerte gratuitement aussi. Voilà. Alors, c'est la chronique sur les médias indépendants qui se continue et qui continuera le dernier lundi du prochain mois. Merci, Christophe. Merci. Salut.